Plante. Plante. Docteur. On n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on n'existe pas. Qu'on sait bien, on va au nirvana. On y est déjà. Il n'y a pas de samsara. Samsara, c'est toujours un same, same shit again. Same, same shit again, samsara. Oh, Sarah, où es-tu passé? Je ne sais pas. C'est reparti pour une grosse rythmique, mec. On fait pas les choses à moitié, c'est sûr. On n'aime pas trop ne pas avoir de chaussures. Je suis bien, moi, j'ai des bonnes godasses pour danser. Je peux faire des tours en skate, mec, et frémé. Je m'en rapporte à fond, je suis immortel, c'est fini. Oui, c'est fini, ce bordel de grosse fifi. Moi, je m'envole, je m'envole, je m'envole. Je m'envole comme un petit gars qui a pas trop picolé. Mais je picole que dans le mec, c'est pour ça que c'est drôle. Ouais, c'est un révolu, c'est. Je parle en rythme, mec. Et là, putain d'acoustique. L'acoustique est vraiment trop sympa, sympathique, mec. Il y a une putain de réverb. C'est comme de l'écho, comme dans l'écho, comme de l'écho. Écho. Qu'est-ce que c'est que ce coco? Oh. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Est-ce que j'ai vraiment une putain de tête de petit coco? Petit coco, petit coco, mon petit coco. Est-ce que j'ai putain une petite tête de petit coco? Ça te fait rigoler. Ouais. Dans le présent, mec. Il y a tout qui apparaît, mais rien qui existe, qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à dire, c'est vraiment merveilleux. Détache-toi de tout, même de toi, surtout. Et puis après, tu t'envoies, mec, même sans picole. T'es toujours là-haut, si tu veux. Y a pas de quoi de mieux, y a pas de quoi de mieux, y a pas de quoi de mieux, non. Toujours là-haut, toujours là-haut, toujours là-haut. Au septième ciel, ou au fond de ton cœur d'amour. Cœur d'amour. Au fond de ton cœur d'amour. Au fond de ton cœur d'amour. Et la rythmique déballe, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, balle, comme dans une putain de simulation, tourner en rond comme un pauvre. Dans une putain de simulation. Je veux pas tourner en rond pendant des milliards d'années. J'ai pas envie d'être un putain de condamné. Alors je me désaccessoirise, mon gars. Plus rien à foutre de d'avoir un corps comme ça. Mon corps, il est fait de lumière pure, fabriqué par mon imagination. Mec, ça c'est sûr. Je suis déjà parti, je suis déjà plus là dans mes rêves. Où est-ce que je suis? Eh ben, je suis là. Lucide. Lucide. Lucide. Lucide. Je me douche, putain, il est pas cher, ok, mais il faut en mettre des tonnes. En plus, ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai déjà mal à l'oreille droite. En bas de la mâchoire aussi. Je mangeais trop de chocolat, je bois trop de café au lait, trop sucré. Ouais. Ça me fait un putain de système nerveux comprimé. Il va falloir que j'apprenne. Back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back